En Corée du Sud, selon Yonhapnews, la Société des familles des victimes de massacres des civils de Jinju avant et après la guerre a engagé l'enquête des fouilles pour l'éclaircissement de la vérité de massacres des civils par l'armée et la police sud-coréenne à l'époque de la dernière guerre de Corée. L'armée et la police sud-coréenne ont déroute vers le sud devant l'attaque de l'armée populaire en juillet 1950, ont perpétré les massacres de plus de 2000 intéressés de la Ligue des personnes protégées et habitants innocents à Jinju, province du Gyeongsang du Sud, entre les 22 et 26 juillet 1950. Les massacres ont eu lieu dans 5 endroits de Jinju. Au Kolyongsan, un très grand nombre d'habitants ont été tués. Afin d'éclaircir les dessous des massacres d'alors, la Société des victimes de Jinju a commencé en février 2014 avec le groupe d'enquête commun constitué de diverses formations civiles et sociales, la première enquête pour les fouilles des dépouilles au Kolyongsan, au canton de Myeongsok de la ville de Jinju dans la province du Gyeongsang du Sud.